Tapatam, tapatam. Parce que je claudique, on croit que je bois. Tapatam, tapatam. C'est mélodique, une jambe de bois. Pour que ça serve à quelque chose. Écoute un peu mon petit gars. Tant pis si l'adjudant explose. Faut surtout pas que t'apprennes à marcher au pas. Une de ça varie guère. Une de ça varie pas. Aux militaires c'est leur dada. N'empêche que qu'à un cas, ils t'enverraient droit à la guerre. Le gars qui m'a fauché la patte, on aurait peut-être été copains. Si au lieu de jouer les automates et de se tirer comme des lapins, on avait pu se tendre la main. Une de ça varie guère. Une de ça varie pas. N'empêche que qu'un cas, tuer son frère semble un dada. Quand on est fourré dans la guerre, seulement la guerre pour le commerce. Y'a pas à dire, ça fait du bien. Pendant que les balles tombent en averse, les balles et les biscayens, à vos coffres, bons citoyens. Une de ça varie guère. Une de ça varie pas. Comptez ses louis semble un dada. N'empêche que qu'un cas, y'en a qui profitent de la guerre. Et quand elle est finie la guerre, qui tue les gens, qui tue le temps. Les mutilés ça fait vulgaire. Quand ils se ramènent clopin clopant, c'est comme un reproche constant. Une de ça varie guère. Une de ça varie pas. Jouer du moignon semble un dada. N'empêche que qu'un cas, eux s'en souviendront de la guerre. Et puis y'a ceux qui sont en terre à se réjouir bien sagement que l'ennemi héréditaire soit un bon copain maintenant. N'empêche qu'encore et tout le temps, une de le refrain de la guerre. Une de le refrain de la guerre. Une de ne varie pas. Une de ne varie pas. Et les morts en restent baba. D'apprendre que qu'un cas, on se prépare pour la dernière. Une de ça varie guère. Une de ça varie guère. Une de ça varie pas. Une de ça varie pas. Aux militaires c'est leur dada. N'empêche que qu'un cas, ils t'enverraient droit à la guerre. Ils t'enverraient droit à la guerre. Tapatam, tapatam. Parce que je claudique, on croit que je bois. Tapatam, tapatam. C'est mélodique, une jambe de bois.